peut-être avant de rentrer dans l'analyse de la situation au Mexique et aussi de ce que vous essayez de faire pour lutter contre ce qui se passe, parce que là-bas la situation depuis longtemps d'ailleurs est extrêmement violente, extrêmement difficile, que ce soit au niveau social, enfin ça vous aurez le temps d'en parler bien plus longuement que moi. Donc déjà que vous présentiez rapidement, vous êtes ici à Saint-Imier individuellement ou au nom d'une organisation, et comment vous avez pris la décision de venir à Saint-Imier, voilà. Si sois individuales o de una organización, de presentar esta organización, de decir quién sois. Okay. Bueno, buenas noches. Nosotros somos tres compañeros delegados de la Federación Anarquista de México. Nous sommes trois camarades de la Fédération Mexicaine. Ajá. Venimos a hacer una observación, más bien venimos como observadores al Congreso de la IFA. Ils viennent en tant qu'observateurs au congrès de l'IFA, de l'International des Fédérations Anarchistes. Así es. Nuestro interés en adherirnos a la IFA está presente, pero sí necesitábamos como conocer de manera real. Notre intérêt pour adhérer à l'IFA était sûr, mais on voulait voir comment se déroulait ce congrès. Oui, voilà. Bon, comme vous êtes tous les trois dans la même organisation, ça va aller plus vite pour présenter cette organisation. Je me rappelle que l'année dernière, c'était le premier congrès, on peut dire, de la Fédération anarchiste mexicaine. Il y avait une compagne, un compagnon, donc Jessica et Romain, certainement, que vous avez dû voir ici, qui avait été envoyé par la Fédération anarchiste. Donc il y a des contacts qui sont noués déjà depuis ce moment-là. Peut-être qu'avant de rentrer dans la situation au Mexique et cette situation très violente qui se perpétue et qui s'accentue, vous expliquiez comment il y a une résurgence de groupes anarchistes et dont une partie a souhaité se fédérer très récemment, depuis un an. La pregunta es de saber cómo es que hay por lo visto una resurgencia del ideal anarquista, del movimiento anarquista en México, y cómo es que esa resurgencia trata de ponerse en la IFA. Bueno, pues el resurgimiento del anarquismo en México no es muy reciente, pero tampoco es como demasiado arraigado. De hecho, como el resurgimiento del anarquismo viene, por así decirlo, a finales de los 90 en México. La résurgence de l'anarchisme au Mexique n'est pas tout à fait récente, mais enfin, elle n'est pas ancienne non plus. Elle date à peu près des années 90. Sin embargo, sí hay un resurgimiento, hay un movimiento que está tratando de encontrar como un espacio en el movimiento social. C'est un mouvement qui essaye de trouver sa place dans le mouvement social, dans l'espace social. Y bueno, pues es muy interesante cómo surge el anarquismo en México después de que los antiguos militantes de la Federación Anarquista de México y exiliados españoles mueren y empiezan a desaparecer de la escena política. Y es interesante de ver esta resurgencia porque es a un momento où los anciens militantes de la Federación Anarquista Mexicana y los españoles que estaban en exilio commencent à disparaître, donc il était temps que ce mouvement renaisse avec la jeunesse. Una de las características, digamos, de este resurgimiento del anarquismo es que esta generación de anarquistas de hoy comienza sin una base en la cual comenzar a trabajar. Alors l'intérêt de cette résurgence, c'est que on le retrouve dans la génération. Que después que has dicho, empezamos en bases a trabajar. Ajá, en bases que... Sí, sin fundamento. Bases ideológicas no teníamos. Ah oui, cette résurgence est arrivée alors que cette génération n'avait pas de base idéologique. Porque la generación pasada de anarquistas no se encargaron de generar unas bases para cuando ellos estuvieran ausentes, cuando ellos o murieran o desaparecieran de la escena. Y las bases que habían sido legadas eran hechas para cuando ellos reprendrían el flambeau, cuando los anciens habrían desaparecido. Y bueno, pues desgraciadamente llegamos nosotros con mucho trabajo, con muchas dificultades para una formación ideológica. Entonces, cuando ellos llegaron al militantismo, había mucho trabajo que hacer para refaire las bases ideológicas. De hecho, las ediciones de libros anarquistas en México son muy, muy escasas y bastante caras. Les éditions d'ouvrages anarchistes au Mexique sont très, très rares et très chères. Y bueno, pues medianamente hemos podido como generar una serie de publicaciones, periódicos, libros que se han ido formando los últimos años. Ces dernières années, ils ont quand même pu publier différents livres, journaux, revues, malgré tout. Pero bueno, pues es medianamente así, ¿no? Entonces, una preocupación ahora de la Federación Anarquista de México es trabajar en crear las bases para que las generaciones que vengan no encuentren un espacio en blanco, sino ya una base sobre la cual trabajar. Donc leur travail maintenant, c'est de conforter toutes ces bases pour que la génération suivante ne trouve pas un espace complètement vide. Je voulais poser une question qui n'est pas spécifique au Mexique, mais qui me paraît très importante. C'est que dans beaucoup de ces pays, il y a des traditions de peuples originaires, autochtones, enfin, quel que soit le terme. Et dans une partie de leur fonctionnement, on retrouve un fonctionnement de type libertaire, c'est-à-dire un fonctionnement horizontal, décision au consensus, etc. Et dans le cas particulier du Mexique, ça a été illustré il y a 4 ans par un compagnon, Mathias, je crois, qui est à la Fédération anarchiste mexicaine, qui était passé pour aller au congrès précédent de l'IFA qui avait lieu à Carrare, et c'est un compagnon d'origine donc autochtone. Et en plus, il y a quand même un passé où il y a peut-être des... Je ne sais pas s'ils comprennent. Ah oui, excuse-moi. non, mais c'est une ils comprennent pas. Ils ont dû comprendre Mathias. Serge, j'avais juste oublié qu'il fallait que Ramon traduise. Il faut que je traduise. Dans l'autre sens. Non, non, mais moi, le Mexique, ça me passionne, alors une fois que je suis parti. Bon, tu peux repartir du début, puis je vais... Je disais, en gros, synthétiquement, c'est ça l'essentiel, que la tradition est encore présente dans beaucoup de peuples, originels, ouais. De peuples autochtones, ouais. Notamment au Mexique, ouais. Et cette tradition de fonctionnement libertaire... permet peut-être plus facilement de développer les idées. Voilà. lo que dice el compañero es que en la tradición de la militancia en México han vuelto tradiciones de los pueblos indígenas uh-huh. Y que corresponden a la organización anarquista, organización horizontal, organización buscando un consenso y que eso corresponde. Y habíamos visto pasar aquí en Francia un compañero que se llama Matías, uh-huh. Que nos había explicado todo ese funcionamiento. Vas-y. Oui, donc ma question, est-ce que ça facilite ou... peut-être, pas uniquement au Mexique, mais dans ces pays, la compréhension des propositions anarchistes, oui. Justement. On l'a vu à Oaxaca, on le voit chez des fonctionnements zapatistes, voilà. Est-ce que esta forma de organización de los pueblos indígenas que parecida, est-ce que facilita el conocimiento de las ideas anarquistas, sí, puesto que son bastante parecidas? Sí, así es. De hecho, hay que recordar que, pues, que el 80% de la población en México puede ser indígena. Elle dit que c'est le cas puisque pratiquement 80% de la population mexicaine est d'origine indigène. Pero también hay que recordar que en las ciudades desde hace mucho tiempo se ha perdido esa horizontalidad en. Mais par contre, dans les villes, dans les grandes villes, cette structure, cette forme d'organisation horizontale, c'était un peu perdu. Solo que desde mi punto de vista creo que ahora se ha recuperado. Et maintenant, à son point de vue, à son avis, c'est en train de se récupérer. Por las circunstancias sociales y políticas en cuanto a criminalidad y a incredibilidad en el gobierno. Resurge como ese anarquista interno que todos traemos. Les idées anarchistes resurgissent surtout dans cette situation de crise actuelle au Mexique où il y a les assassinats, les guerres des narcotrafiquants et là une crise sociale assez importante. Par exemple, dans la lutte, enfin dans ce qu'on a appelé nous ici, en tout cas la commune de Oaxaca. Et la commune de Oaxaca. Il y a eu une participation, effectivement, des communautés indigènes, mais aussi dans la ville, notamment dans les banlieues où vivaient justement des jeunes qui avaient quitté ces communautés. Hubo acciones de los indígenas, los pueblos indígenas, pero también en las ciudades, por lo visto, ha habido una ayuda de las juventudes que vivían en las ciudades, sobre todo en Oaxaca. Et une dernière question sur ce sujet. Est-ce que, puisque issu de cette lutte d'Oaxaca, s'est mis en place ce qu'on peut appeler un réseau vocal, que tu connais bien, hein? Puesto que sea presto. Después de lo que pasó en Oaxaca, esta estructura que se llama Vocal, que es una radio. C'est un réseau, en fait, d'individus qui se coordonnent. Et donc, ce réseau où il y a beaucoup de libertaires et de jeunes indigènes, est-ce qu'ils ont des contacts avec Vocal? Voilà. Est-ce que vosotros tenéis contactos con los jóvenes que pertenecen a Vocal? Bueno, principalmente, digamos, el enlace con los compañeros de Oaxaca viene del colectivo autónomo magonista, que es donde está el compañero Matías. Voilà. Alors, ouais, c'est ça. Donc, les camarades de Vocal sont comme Matías vient du collectif libertaire Magon. Camas, c'est ça? Sí. Y bueno, pues están haciendo un trabajo muy interesante allá en las comunas indígenas. Font un travail assez intéressant dans les communes indigènes. D'ailleurs, il y a quelqu'un de Vocal qui est invité, qui sera d'ailleurs présent, je crois, demain ou après-demain, sí. Me semble-t-il. En tout cas, c'est sur le programme. Normalmente, mañana o pasado, tiene que haber un representante de Vocal. Sí, peut-être on va demander à Marco, là, qui n'a pas encore pris la parole. Je pense qu'il est important pour les auditeurs de se rendre compte que, certes, il y a beaucoup de résistance, qu'elle soit indigène, qu'elle soit chez les anarchistes ou ailleurs, mais il y a une violence extrêmement forte qui s'exerce contre les mouvements sociaux, contre les organisations. Et nous allons passer la parole donc maintenant. Primero vamos a pasar la palabra a Marco. Después también hablaremos de la violencia que hay hoy en día en la sociedad mexicana. Y me parece que Marco tenía algo que añadir. Sí, buenas noches. Mire, comentando un poco o respondiendo un poquillo a la pregunta que Pour revenir sur la question précédente, él decía que qué influencia tenía la anarquía en las comunidades. Il demandait quelle relation y avait-il entre l'anarchie et les communautés indigènes. Yo les digo que bueno, las comunidades ya desde hace mucho tiempo siempre han vivido con una vida libertaria. Depuis très longtemps, pour pas dire toujours, les communautés indigènes ont vécu suivant un mode libertaire anarchiste. Entonces creo que nosotros como anarquistas lo que tenemos que ir es observar para ver cómo hacen su vida cotidiana, cómo. Et nous, en tant qu'anarchistes, ce que nous devons faire, c'est observer leur vie quotidienne et comment ils fonctionnent. y para compartir la ideología de lo que es la anarquía con los compañeros de las comunas, creo que nos tendrían que ellos más enseñar a nosotros. Y pour dire les choses comme elles sont, c'est plutôt nous qui devrions recevoir des leçons de leur part. C'est de los pueblos indígenas en esa parte de América. Que se llama Tierra y Libertad. Y la misión se llamaba Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, c'est aussi un dehors de Flores Magón, qui a encore quand même des traces un petit peu, je pense, au Mexique. Dice que Tierra y Libertad hace recordar a Flores Magón, qui nos parece que aún se ven huellas del pasaje de Flores Magón en México. Y no sabemos si es verdaderamente esa guerra o si el Estado también se aprovecha para eliminar a militantes sindicales o políticos. Ya participé, lo rajouté. Bueno, mira, la llamada guerra contra el narco es en realidad una guerra entre el mismo las mismas fuerzas del gobierno. Alors pour eux, la guerre des narcotrafiquants, en fait, ça va être une guerre déjà entre gens qui sont des gens qui sont au pouvoir. Tenemos que tener en cuenta que México vivió 70 años de dictadura bajo el Partido Revolucionario Institucional. Il faut tenir compte du fait que le Mexique a connu la dictature du Parti Révolutionnaire Institutionnel, du PRI, du Parti Révolutionnaire Institutionnel, hein, qui, c'est assez amusant, hein, je fais un commentaire de ma part, qui est révolutionnaire et institutionnel. Il y a un truc qui cloche. Mais n'empêche qu'il quadrille complètement le pays. Et qui a quadrillé complètement le pays. Bueno, y durante ese tiempo este partido tuvo el control del narcotráfico en todo el territorio mexicano. Pendant 70 ans, ce parti a eu le contrôle total du trafic des narcotrafiquants sur tout le territoire mexicain. Cuando en el año 2000 el PRI sale del gobierno y entra el Partido Acción, los 12 años últimos que ha habido en México y que están llenos de una violencia terrible y de, bueno, todo lo que se sabe a nivel internacional, es parte de eso, de la guerra de un partido que trata de tomar el mercado del narcotráfico. Ces 12 dernières années, toutes les tueries qu'il y a eu, toutes ce qu'on appelle nous la guerre des narcotrafiquants, c'est une guerre entre deux partis qui essayent de prendre le contrôle de tout ce trafic. En las elecciones pasadas de julio, el narcotráfico pues apostó fuertemente por el regreso del PRI, porque esto daría varios caminos en México. Pour les dernières élections qui ont eu lieu là ce dernier 1er juillet, les narcotrafiquants ont misé sur le retour du PRI, du Parti Révolutionnaire Institutionnel au pouvoir, qui leur ouvrait plus de débouchés. En fait. Por una parte está el hecho de que una de las promesas del PRI para tomar el poder es que van a acabar con la delincuencia y con la situación de violencia que hay en México. Alors l'une des promesses du PRI, du Parti Révolutionnaire Institutionnel, pendant la campagne électorale, c'était qu'ils allaient en finir avec la délinquance et les tueries. Et bueno, la vía que toman para frenar la violencia que hay en México es que ellos van a retomar el mercado del narcotráfico. Et la voie sur laquelle ils se sont engagés pour arriver à faire cesser cette violence, c'est de contrôler à nouveau complètement le trafic de stupéfiants. Las elecciones estuvieron marcadas por un apoyo descarado, sin ningún tipo de apariencia por parte del narcotráfico al candidato del PRI. Les les chefs de bande, les narcotrafiquants ont donné ont appuyé, mais alors sans se cacher, les candidats, le candidat du parti révolutionnaire institutionnel. Ils ne sont absolument pas cachés, ils ont carrément appelé à voter pour lui. Igualmente las televisoras en México y los medios de comunicación, tanto la prensa, la radio y la televisión, todos apoyaron abiertamente el regreso del PRI. Et dans le même temps, tous les médias, journaux, télévision, radio, ont ouvertement appelé à voter pour le Parti révolutionnaire institutionnel. Igualmente, los grandes capitalistas apoyaron abiertamente ese candidato. Ainsi que tous les grands capitalistes qui voulaient le retour du PRI. Porque ese candidato representa el regreso de ese pasado oscuro que hubo en México de 70 años de gobierno priista. Parce que l'élection de ce candidat aurait fait revenir la situation qu'il y a eu pendant 70 ans et pendant laquelle ils sont évidemment bien gavés tous. El candidato del PRI que ha ganado la presidencia de México es el mismo que ordenó los actos tristes y cruentos de San Salvador Atenco. Voilà. Entonces podemos darnos una idea de qué tipo los próximos años en México. Le candidat qui a gagné les élections, le nouveau président de la République, est le même personnage, le même politicien qui est à l'origine des événements, des attentats d'Atenco. Juste une parenthèse oui. Pour les auditeurs. Bon, c'est pas oui. La peine, tu traduis, ils connaissent mieux que moi la situation d'Atenco, donc juste en deux minutes. Atenco, ça représente un peu comme Notre-Dame-des-Landes en France, puisqu'il s'agit d'un aéroport, enfin de l'agrandissement d'un aéroport à côté de Mexico, dans une zone d'Atenco, qui est une zone de paysans souvent d'origine indigène, et il y a eu une très très grande résistance qui a gagné à l'époque, dans les années 2000 je crois, et sauf qu'il y a eu une répression en 2006, absolument extrêmement violente de la part de la police ou des forces paramilitaires, et avec des condamnations des fois à plus de 100 ans. Je crois que quand même il y a les leaders du Front Paysan qui ont été libérés depuis, mais enfin c'est une situation très violente, donc ça conduit peut-être ma question. Effectivement, vu d'ici, c'est la violence est présentée comme liée à la guerre contre les narcotrafiquants, donc il a bien montré que derrière il y avait des partages du pouvoir, ou en tout cas une lutte pour le pouvoir, mais je constate que dans cette guerre, il y a beaucoup de gens qui luttent, que ce soit des indigènes, que ce soit des syndicalistes, qui sont tués. Donc c'est pas que des narcotrafiquants qui s'entretuent. Ha oído bien lo que has dicho, pero constata que en esa guerra, lo que llaman la guerra de los narcos, hay muchos muertos, pero a menudo son sindicalistas o militantes activos que mueren, pero no tienen nada que ver con el narcotraficante. Es que el gobierno o las autoridades se aprovechan para eliminar de paso también a lo que les fastidia. Sí, por supuesto que lo utilizan como un pretexto más para hacer presión sobre los asuntos sociales. C'est un prétexte pour faire pression, pour faire passer les conflits sociaux, et donc effectivement ils se servent de cette guerre pour au passage dessouder quelques gens qui les gênent. Y de hecho sirve también como pretexto para hacer un reforzamiento de las fuerzas policiales y hacer una militarización en las calles, en los barrios populares aún de todo el país. C'est un prétexte aussi à renforcer les forces de police et renforcer la répression dans tous les quartiers, dans toutes les villes. D'ailleurs, enfin, bon, personnellement, quand j'étais allé au Mexique, à Mexico par exemple, c'était affolant. J'ai jamais vu autant de policiers en armes avec gilets pare-balles, et c'était vraiment, et tout de même, je sais pas, tous les 30 mètres, on voyait 2-3 policiers à la fois complètement suréquipés. C'est sûr que cette guerre des narcotrafiquants sert à faire passer toutes les mesures de répression. Sí, de tal manera que si matan a un dirigente sindical o a un dirigente indígena, podría decirse o le asaltaron en la calle o lo mató el narco. Y hay confusión en ese sentido, se abre esa puerta. Y hay una confusión que es entretenue pour dire de temps en temps quand un dirigeant syndical ou un dirigeant indigène est tué, on prétend que c'est lui qui a été victime d'un narcotrafiquant, même si c'est pas le cas. Tengamos en cuenta también que cada institución del Estado tiene en teoría una función. El ejército, supuestamente su función es proteger al país en caso de una invasión extranjera o en caso de una rebelión grande en contra del gobierno. Chaque institution du pays a une fonction bien précise. L'armée, les militaires sont là en principe pour protéger le pays d'une invasion d'un autre pays. Y en México desde hace ya hacen varios años que el ejército está en las calles y no hay ni una invasión extranjera ni una rebelión. Et ça fait de très nombreuses années que l'armée est présente dans les rues des villes alors qu'il n'y a aucune menace militaire d'un autre pays ni aucune rébellion en vue. Mais ils sont présents dans toutes les rues des villes. Esto creo yo que se debe también porque en México de 106 millones de habitantes que hay, 77 son pobres. Cela est dû aussi au fait que sur une population de 106 millions d'habitants, 77 millions sont en dessous du seuil de pauvreté. Y viendo también las reformas laborales y económicas que ha implantado Felipe Calderón, todo apunta a que la condición en México, aunado a los 37 millones de pobres que hay, va a empeorar en los próximos años. Y todas las medidas económicas y sociales que habían sido tomadas por el presidente Felipe Calderón no han hecho, en realidad, que empeorar la situación de 77 millones de mexicanos que estaban ya en dessous del seuil de la pobreza. Hace un año que cada mes suben la gasolina en México. Ça fait depuis un an, chaque mois, le prix de l'essence grimpe à Mexico. Y bueno, vamos, todas las condiciones sociales que hay, los aumentos que está viendo en las canastas básicas, las desigualdades que hay, el clima de violencia generalizado que hay, el hecho de sacar el ejército a las calles es como prevenir lo que ellos saben que viene. Todas las medidas antisociales que son decididas, todas las aumentaciones del coste de la vida, todo eso es... explique le fait que l'armée est présente dans la rue. Ils sont en fait, tout le monde comprend bien que l'armée qui est dans la rue est là pour prévenir toute tentative de rébellion contre toutes les hausses du coût de la vie. El alzamiento en Chiapas, el movimiento de Atenco, lo sucedido en Oaxaca, la situación que hay ahora mismo en Cherán, todo esto son como indicios de que en México se están moviendo las aguas que durante mucho tiempo estuvieron en calma y que hay un movimiento social que está comenzando a despertar. Todas las rebeliones de Chiapas, de Oaxaca, Tenco, todo eso es un signo que... Il emploie l'expression des eaux qui dormaient tranquillement jusqu'à maintenant sont en train de se soulever et ça présage d'une rébellion, des mouvements de révolte futurs. Entonces, efectivamente, como decía la compañera, la ilusión de la guerra contra el narcotráfico sirve también para prevenir un movimiento social que ya da los primeros indicios de rebelión en México. Y donc, como ha dicho la camarada tout à l'heure, l'armée la presencia de l'armée dans les rues est bien là pour prévenir une rébellion dont on voit les indices actuellement. Mais j'aimerais bien poser une question dans le climat de violence que vous avez décrit brièvement, mais on pourrait parler de plein de choses malheureusement. Quand on essaie de créer une fédération anarchiste, qu'on essaie, par exemple, de participer à un cortège anarchiste au 1er mai de l'année dernière, puisque là, on avait une compagne et un compagnon qui s'en ont parlé. Est-ce que, je ne dis pas qu'il y a une violence encore plus forte comme les anarchistes, mais comment vous arrivez à militer est-ce qu'il y a vraiment une répression qui est dirigée plus particulièrement contre les anarchistes, ou est-ce que vous êtes dans la répression globale? Bon, tu peux synthétiser ça. En ese clima de violencia que conoce México, ¿cómo podéis vosotros, anarquistas, poder actuar, manifestar, sin que sin que hagan violencia peor aún contra vosotros, puesto que ya en tiempo normal hay violencia, entonces contra gente que quiere hacer una desarrollar una federación anarquista mexicana, ¿qué pasa? ¿Hacen más violencia aún contra vosotros? Bueno, la federación no puede, los últimos años no ha podido salir a las calles en tranquilidad. Las dernières années, la Fédération anarchiste mexicaine n'a pas pu sortir en toute sérénité pour manifester dans les rues. Y bueno, quizá habría que agregar que no solo la federación, los demás grupos anarquistas que hay que no están en la federación tienen la misma situación. Il faut dire aussi que tous les autres groupes anarchistes qui ne sont pas membres de la fédération anarchiste mexicaine sont dans la même situation, ils peuvent pas sortir tranquillement dans la rue pour manifester. Esto es porque evidentemente como movimiento social, pues el gobierno le preocupa hasta cierto punto que podamos crecer, que podamos influir en el ámbito social. Et ça c'est le résultat du fait que le gouvernement est inquiet, ne veut pas laisser se développer un mouvement qui le conteste de cette manière-là. Y bueno, esto se ve cuando un contingente anarquista, una agrupación anarquista sale en una manifestación. Por lo regular siempre hay una vigilancia constante, un acoso de policías vestidos de civil vigilando a los compañeros. Alors, ils ont à chaque fois la démonstration, dès qu'ils essayent de participer à une manifestation, il y a tout de suite, ils notent tout de suite une recrudescence du nombre de policiers qui encadrent la manif et du nombre de policiers civils qui sont dans la manif. El primero de mayo pasado se pudo ver como más ampliamente esto cuando el contingente anarquista que iba a participar en la manifestación, que eran 150, 200 personas, fue rodeado por un contingente de casi 1000 policías. Y ahora, ils ont pu se rendre compte au dernier 1er mai auquel ils ont participé dans le cortège, ils étaient 150 à 200, encadrés par 1000 policiers. El operativo que se hizo contra el movimiento anarquista era precisamente para que no pudiera participar en la marcha del 1 de mayo. Y todo eso ha sido evidentemente hecho para que el cortège anarchista no pueda participar al desfile del 1 de mayo. Estuvimos encapsulados, no sé si se conozca aquí el término, bueno, rodeados por la policía sin podernos mover. Ils emploient une expression, ils étaient encapsulés, c'est-à-dire complètement entourés en cordón par les policiers qui marchaient autour d'eux. Y bueno, después de 3 horas bajo el sol y por la presión de gente solidaria, de gente que iba pasando ahí, que empezó a decir que por qué nos impedían el tránsito, fue que logramos salir, pero es un ejemplo de que la represión hacia el movimiento anarquista existe. Ils ont été bloqués donc pendant 3 heures en plein soleil et il a fallu que ce soit des gens de la population qui protestent contre les flics en leur demandant pourquoi ils les empêchaient de rejoindre le cortège, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont pu le faire, ce qui montre aussi quand même qu'ils ont un certain soutien de la población. Sí, durante este el encapsulamiento, la policía decía que tenían informes de que llevábamos bombas y cócteles Molotov y armas en las mochilas. Le prétexte de la police pour les avoir bloqués comme ça, c'était qu'ils étaient, ils disaient être au courant que certains militants avaient dans leur sac à dos des bombes et du matériel de dynamite. Entonces, si bien la violencia no es a nivel como se ve entre grupos de narcotraficantes, sí hay una vigilancia, un acoso constante, y cuando salimos a las calles los anarquistas, sí hay mucha más vigilancia y represión que hacia otros movimientos sociales. Par rapport à, justement au problème de la guerre des narcotrafiquants, évidemment il y a c'est un prétexte pour surveiller encore plus les anarchistes quand ils sortent dans la rue, mais c'est toujours la même chose. Les narcotrafiquants servent de prétexte pour surveiller et encadrer tout le monde, tout mouvement d'opposition. Peut-être pour terminer, passer la parole à Marco, à Monica, une dernière question. Dans un contexte comme ça, quelle aide on peut vous apporter, hein, parce qu'on souhaite fortement aider cette très urgence de l'anarchisme en Amérique latine en général et particulièrement au Mexique. En este contexto, nosotros estamos por el desarrollo de todo el movimiento anarquista en toda América Latina, y en el contexto de ahora, de violencia y todo, ¿qué ayuda podéis esperar de nosotros, de los movimientos anarquistas europeos, para desarrollarlos más? Bueno, creo que la ayuda que podemos esperar de ustedes es pues toda la difusión de la problemática que hay en México. L'aide qu'ils attendent, c'est la propagation des informations de tout ce qui se passe au Mexique. Et tender lazos para poder comunicarnos, ya sea vía internet, por folletos, por libros. C'est entretenir des liens, que ce soit par internet ou autrement, pour nous répercuter ces informations. Et de toute façon, sur Radio Libertaire, on s'en fera l'écho. Hein. Et surtout, en Radio Libertario, ya haremos pasar la información. Gracias. Oui, je voulais juste faire une référence à un livre que Ramon connaît bien, et je voudrais leur demander s'ils le connaissent, puisqu'il est paru au Mexique il y a 3 ou 4 ans peut-être. Qui est faire une référence à un livre qui a. Que se ha publicado hace 3 o 4 años en México. Voilà. Es el libro que hemos hablado antes, El Espejo de México. Sí, el Espejo de México. Claudio Albertani. No sé si habéis oído hablar de ese libro ahí. Yo lo he visto, lo he ojeado, pero sí. No he podido leer porque ahí tengo como muchos libros para. Il le possède, il l'a acheté, mais il a une telle pile de livres en retard à lire que celui-là, il ne l'a pas encore lu. Mais Claudio Albertani, por supuesto que se le conoce. Il connaît évidemment Claudio Albertani. Monica. Monica. Sí, y regresando un poco a la pregunta que había hecho anteriormente, quería comentar que precisamente. Ahora que estamos acá en el Congreso, nos hemos encontrado con otras federaciones latinoamericanas, que curiosamente es como el primer año nos dicen que asisten tantos grupos latinos. Entonces, hoy justamente hicimos como una pequeña asamblea informal entre grupos. Dit que justement à l'occasion de ce congrès de Saint-Imier, ils ont rencontré pas mal d'autres fédérations ou groupes latino-américains, et que donc ils ont aujourd'hui fait une espèce de petite assemblée entre eux puisqu'ils se connaissaient pas. Sí, y platicamos sobre precisamente empezar a formar lazos en Latinoamérica porque en realidad no están muy firmes, y de esa manera también apoyarnos con las problemáticas de cada país que son muy similares en América Latina. Voilà, et ils échangent leur mode de fonctionnement, leurs pratiques, et c'est une façon comme ça de s'entraider en se faisant connaître mutuellement leur mode de fonctionnement dans leurs différents pays. Y me parece importante porque son uruguayos, chilenos, brasileños. Ça lui paraît important parce qu'ils ont rencontré comme ça des brésiliens, des uruguayens, des chiliens. ¿Quién más había? Argentinos, des argentins, venezolanos, des vénézuéliens. Y México. Los chilenos, o sea, siete. Ils ont rencontré sept groupes ou fédérations différentes d'Amérique latine qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Oui, ça c'est très important. Enfin, l'internationalisme, c'est effectivement ça. C'est des rencontres, des soutiens, des échanges, des solidarités. Et bon, je pense que, en tout cas, l'IFA fera le maximum pour aider justement à peut-être, on peut imaginer des rencontres au niveau de l'Amérique latine, mais ça c'est à vous de voir quand vous aurez les possibilités de l'organiser. El internacionalismo es algo importante y en el futuro ya veréis si vosotros entre ya solo entre países de América Latina podréis hacer lazos para escambiar las experiencias y las prácticas que tenéis todos. Sí, eso esperamos.